si longtemps, une bonne douzaine de minutes à peu près, je crois. Et moi, je sèche avec le vent. Je sens l'hiver sur ma nuque qui souffle avec les loups. Mon corps lentement s'habille de neige. Et je t'attends dans les bois, droit sur mes genoux. Ton absence est un sacrilège. Si longtemps.